100% rap français, planète rap. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français, fixe. Mets ton casque, mets-toi bien. Aïe, ça va fixe. Ça va très bien et toi? C'est toi qui vas faire une heure dans la nocturne. Ouais, on est là. Avec plein d'amis. Péker qui est là. Ah, fixe et Péker. On va reformer le duo. On va reformer le duo le temps d'une soirée. Le temps d'une soirée, bah tant mieux. Merci. Et on va rappeler aussi le parcours de vous deux parce que le parcours est quand même assez long. Aïe. Et il est assez beau aussi, mine de rien, parce que voilà, on va rappeler tout ça dans un instant. Pas de problème. Mais comme tu viens d'arriver à la bourre, mon cher fixe. Ah ouais. Comme d'hab. Et que tu m'as pas filé, genre des trucs, histoire de clés USB, des petits trucs bizarres. Ouais. Parce qu'évidemment, on va fêter quelque chose. Il y a une sortie. Il y a la sortie du projet Jeune Vétéran 2.0. Ouais. On remercie tous les gens qui l'ont pécho. Et tu vas nous raconter parce qu'il a une histoire particulière, hein, d'ailleurs, ce projet. Hein. Comme toute l'histoire de Fixe Péker et de Timatom. Et bon, on découvrira ça dans un instant. Juste avant, je vais balancer un son d'un garçon qui s'appelle Six, que tu connais, Siku MC. Ouais, du 9-4. Du 9-4, exactement. La banlieue sud, si. Le temps qu'on se prépare, et juste après, on attaque la nocturne pendant une bonne heure avec Fixe qui va prendre le contrôle. Aïe. Envoyez les messages, la nocturne 100% rap français. Puis évidemment, cette nocturne, on l'a dédiée à celui qui traînait avec sa grande carcasse ici, Momo. Rest in peace. On pense à toi très fort. Une fois de plus, cette nocturne, comme toutes les autres nocturnes, elles sont pour toi. Yeah. Allez, on attaque Nocturne Fixe dans un instant. Aïe. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Ah ouais. Il est venu cette semaine, Mauvais Garçon, c'est le projet de Six qui prendra la place de Fixe dans une semaine. Il sera là dans la nocturne. 100% rap français sur Skyrock, on y va. Poteau, la vie c'est du sale. Plus rien ne m'étonne. En taille j'ai vu ton beau-père. Avec un lady boy. Plus d'exemple pour nos petits frères. Au volant ça picole. Ça leur casse les couilles l'école. Ils pensent qu'à serrer des petites folles. Et ils veulent frimer sur les champs. Teaser, s'embrouiller. Puis tirer sur les gens. Bah ouais 2016 c'est méchant. Pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Machallah si tu t'en sors. Quitte à défourailler les cons. Défuir avant l'arrivée des renforts. Fais pas la leçon. Sous le capot des centaines de canassons. Nique sa mère, le succès d'estime. J'peux plus revenir en arrière, j'ai trop investi. Je suis pas un voyou, juste un mauvais garçon. Mauvais garçon. Qui se laisse pas marcher sur les pieds ni mettre la pression. Mauvais garçon. On n'est pas des voyous, juste des mauvais garçons. Mauvais garçon, mauvais garçon. On te laissera pas manquer de respect ni mettre la pression. Mauvais garçon, mauvais garçon. C'est la Nocturne 100% rap français avec à l'instant Six qui débarque la semaine prochaine dans la Nocturne. À pas louper, mais ce soir Nocturne avec Monsieur Fix. Yes, yes, yo. Comment va? Très très bien, et toi? On reprend comme si t'étais pas arrivé en fait. Ah non, je suis coup d'envoi donc de cette Nocturne 100% rap français, Fix. Ouais. Avec nous, Fix, avant d'attaquer et de parler de ce projet qui s'appelle Jeune Vétéran 2.0, ouais. J'aimerais que tu reviennes sur ton parcours, qui est un parcours depuis quoi? 96, hein, grosso modo. Depuis 96, 97. Donc en fait les 20 ans. Voilà, exactement. On est jeune, hein, faut pas commencer je à sais, faire. Je sais, je sais. Mais attends, t'as commencé, t'avais 7-8 ans. J'étais très jeune. Non, non, bel parcours, c'est à la base Fix, Gros Dash, ouais. Cynique qui font donc le c'est groupe. Le 9-1, les Ulysses. 9-1, les Ulysses, la banlieue sud. On forme le groupe Amalgame. Ensuite, avec des potes de lycée et de collège comme PKR, Templar, Rino, gros big up à Rino s'il nous écoute. Je sais qu'il nous écoute de toute façon. KID, DJ Mist, on a fait le groupe Ultimatum. Exact. Qui a fait pas mal de buzz dans l'underground. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, je conseille à tous ceux qui sont un peu plus jeunes, qui découvrent peut-être aussi la Nocturne, allez cliquer Ultimatum. Voilà, Ultimatum, on a inspiré beaucoup de groupes de rap français. Même si certains le revendiquent pas, nous on sait, et ceux qui connaissent le vrai rap connaissent. Et donc voilà, donc depuis après on a fait Fix et PKR, que t'as beaucoup suivi aussi, qui était toujours sur le terrain très engagé. Oui, parce qu'il y a une ambition aussi de terrain, c'est-à-dire que sur le terrain, vous avez même fait à un moment une liste électorale. Exactement. Il y a eu plein de choses vraiment. Exactement. Pour faire avancer la cause des quartiers. Exactement, la cause des quartiers, c'est une cause qui nous a toujours parlé. Comme tu l'auras noté, PKR, il est originaire du Maroc, moi je suis originaire du Congo. Et comme tu vois dans l'équipe qui compose la salle aujourd'hui, il y a de tout. Nous on s'est jamais arrêté aux communautés, on s'est jamais arrêté à la couleur de peau. C'est notre quartier, c'est le 9-1, c'est les Ulysses. Et on représente pour tous les quartiers du 9-1. Voilà, voilà, que dire de plus? Et bah dire de plus quand même, parce que là, mine de rien, alors on a fait un court résumé hein, de la carrière. C'est pour ça que je conseille à tout le monde d'aller non seulement cliquer sur Ultimatum, mais sur Fix et PKR aussi. Ouais. D'aller voir un petit peu le parcours. Mais donc il y a un nouveau projet qui est sorti aujourd'hui. Le nouveau projet, non, il est sorti il y a deux semaines. Ah, il y a deux semaines, pardon. Voilà. Il y a deux semaines, ouais. Jeune Vétéran 2.0. Jeune Vétéran 2.0, bah ça se passe plutôt bien. Franchement, les médias, ils jouent le jeu. Dans la rue, ça tombe bien. Franchement, mais raconte un peu quand même. Raconte l'histoire de ce projet, parce qu'il a une histoire un peu particulière, celui-ci. Même si chaque projet a une histoire particulière, mais celui-ci. Celui-ci, il est particulier. Il est né comment, ouais? Il est né comment? Il est né du fait que moi, t'as vu, à la base, je suis quelqu'un de très collectif. Donc, avec Ultimatum, quand il a fallu faire Fix et PKR, on se devait d'être carré avec nos gars pour faire notre duo. On a fait notre duo. Avec le frère Templar qui est là d'Ultimatum, on s'est tous mis carré pour chacun part en solo ou en duo. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Fix et PKR, on a fait énormément de terrain, énormément de concerts, on a monté des listes électorales, on a fait beaucoup de choses sur le terrain, aussi bien politique, militant qu'artistique. Et lorsque PKR, il a pris un peu de recul, mais il va t'expliquer un peu, il a pris un peu de recul avec la musique, je me suis retrouvé un peu seul. Et ce qui se passe, c'est que dans notre entourage, il y avait des gens comme Matos Tosma ou Eziel, qui sont proposés pour remonter le label Quartier Général. Au début, j'étais un peu orphelin de l'absence de mon frère Choukri. Et ils m'ont motivé. Et voilà, aujourd'hui, on sort le disque, on fait des... Mais il y a eu aussi une rencontre, j'ai dit ça, avec des plus jeunes aussi autour de ce projet. Il y a eu plein de choses. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu le collectif Résus qui était vraiment dans le côté militant. Pour le coup, donc là, j'ai coproduit un documentaire Allo Marianne Bobo. Exact. Que je vous invite à tous à aller voir sur la chaîne. Hein, il est dispo. Il a très très bien tourné. Donc voilà, c'est un documentaire qu'on a fait juste après Charlie Hebdo en fait. Exact. Parce qu'on a entendu, si tu veux, tous les Je suis Charlie, Je suis Charlie, mais on n'entendait pas les gens qui étaient en deuil, mais qui n'étaient pas forcément Charlie. Bah, pas forcément par rapport au magazine. Par rapport au magazine. Mais qui étaient aussi touchés tout autant par exactement. Par cette ignominie, j'ai envie de dire. Exactement. Il y a une parole qui a été confisquée et on n'a pas laissé les gens qui se revendiquaient pas forcément du magazine Charlie Hebdo de pouvoir donner leur angle de vue. Jusque-là, pour nous, il n'y avait pas de souci. Le problème, c'est quand à un moment donné, ça a touché à des enfants, notamment le petit Ahmed qui a 8 ans, et que clairement, on a quasiment mis en garde à vue parce qu'il avait dit je ne suis pas pas Charlie, mmh. ou il avait pas chanté la Marseillaise. Ça devenait n'importe quoi. Ouais. Ça devenait n'importe quoi. Comme avec Pécaire, depuis des années, on intervient dans les collèges, dans les lycées et tout. Là, ça, j'avais eu l'occasion d'intervenir encore une fois dans le collège Aimé Césaire où j'ai grandi aux Ulysses. Et je suis venu avec Almami Kanouté et Farid Louali. Nous, on est parti voir une classe de 6e. On s'est dit, ok, c'est cool, c'est des 6e. On va peut-être pas filmer parce qu'on veut pas, tu vois, avoir une parole un peu trop dure. Ils sont trop jeunes. Et au final, on l'a filmé les enfants. Et leur parole, elle est juste magnifique. Le documentaire, c'est Allo Marianne Bobo. On a fait un tour de France avec. On est parti à Marseille, à Compiègne, à Beauvais, un peu partout. Là, on a Almami Kanouté qui est à Haïti, et voilà, qui en a parlé. À l'île de la Réunion, on nous en a parlé. À Mayotte et tout ça. Donc voilà, ça reste toujours kické, représenté, revendiqué. C'est le triptyque qu'on avait inventé avec Pécaire à l'époque. Et avec un fond de réunir tout le monde dans ces temps difficiles où on aime bien toujours se diviser. Toujours, toujours. Et juste pour commencer, avant d'envoyer le premier morceau, ouais, on voulait dédier cette émission à la mémoire de Booba Jump, qui est le premier artiste rappeur de la ville des Ulysses et qui a été un modèle pour nous tous quand on était tout gamin, en sachant aussi un gros big up à son frère Slimane qui était un animateur du quartier. Et si tu veux, nous on a fait que reproduire un peu le travail de ces gens-là. Paix à son âme Booba, j'espère que de là où il est fier de nous, de notre parcours. Et voilà, paix à lui, à Nirka aussi des Acariens et à Endal. Big up à tous. Allez, on débute avec un son de ce projet Jeune Vétéran 2.0, c'est parti. Ouais. Tu vas mettre Racine, ce morceau. Celui-ci. Voilà, dédicace à Papa Wemba. N'oublions pas nos racines. Nocturne. Yeah. Fixe au contrôle de la Nocturne 100% rap français. Yeah. Je me rappelle d'une époque, nous n'étions pas des hommes. Suspendus à une corde dans les arbres, nous remplaçons les pommes. Bien avant Billie Jean, Mali ou Mississippi, on avait des chaînes, mais pas comme Mr. T ou MTV Cribs. On rêve du next level, plus faire rimer nègre et deuil. Mais combien de familles black sont stables comme les Huxtables? Négro, ne m'appelle plus négro, même si je suis ton négro, va te faire foutre. Ce putain de mot, je le trouvais horrible. Puis est sorti, menace tout society. Hélas, propage un génocide. On s'automutile, c'est dommage. Avec nos armes, pour les autres, on est des clowns, man. Comme Redman dans Oh Hi. Des clowns, comme le voulait Lynch. On 9-1 les poules, comme Will Smith quand il jouait Itch. RDC, c'est Kinshasa. Mes frères, mes necks d'Afrique, mes plaques des îles. Je les bails. Pour ceux que j'apprécie, yeah, je parle pas d'Harlem Désir. Je crois qu'on s'est pas compris, faut être solidaire ici. Yeah, yo. Avec les injustices qu'on subit dans nos pays, rester calme est un luxe. Là où ta peau est vue comme une insulte, une chose impure. Yeah. Manger nos armes, y'a du sang dans la cour. Yeah. Sécher mes larmes, j'écoute tout pas chaque coup. Baby. Faut avancer, c'est tout. Mais je ne suis pas ton doudou, ne t'attends pas. Ce que j'entends d'autres jours. Je crois qu'on s'est pas compris, faut être solidaire ici. Avec les injustices qu'on subit dans ces pays. Ultimatum for life. Là où ta peau est vue comme une insulte, une chose impure. Los Monzas for life. Les Ulysses. J'écoute tout pas chaque coup. Faut avancer, c'est tout. Hey yo. On a tellement d'atouts, c'est fou. Arrêtons de faire les clowns. Deuxième chapitre, je m'attarde sur nos artistes. Avec vos rimes fragiles, vos filles factines et vos armes factices. J'ai une question, l'ami. Entre ici et l'Afrique, est-ce que tes clips sont vus par ta famille? Fini les champs de coton, maintenant c'est les Champs-Élysées. L'esclave a changé de chaîne, elles sont télévisées. Entre les dépistages, les tissages, les défrisages, c'est quoi le projet final? Changer d'image, changer de visage. Faut foncer, faut stopper la foncée. À force de trop danser, trop dépenser, on se fait bien défoncer. Aimer les siens ne veut pas dire détester les autres. Même si certains sont beaucoup trop neutres pour être vraiment des nôtres. Jalousie, chez nous c'est la mode chérie. Si t'es bonne comme Holberry, on te prépare une sorcellerie. Malgré tout ça on pleure ensemble. Quand nos gosses deviennent des craies sur le sol. Comme à Ferguson, Zied et Bouna, Malik Ousekine, Macomé, tous nos frères disparus dans les mains de la police française. Bam. On s'est pas compris, faut être solidaire ici. Avec les injustices qu'on subit dans ces pays. Restez calme et un luxe. Là où ta peau est vue comme une insulte, une chose impure. Faut ranger nos armes, y'a du sang dans la cour. Pour sécher mes larmes, j'écoute tout pas chaque coup. Faut avancer, c'est tout. Mais je ne suis pas ton doudou, ne t'attends pas. Ce que je tente l'autre jour. Je crois qu'on s'est pas compris, faut être solidaire ici. Hey yo. Avec les injustices qu'on subit dans ces pays. Hey yo. Calmer d'un luxe. Là où ta peau est vue comme une insulte, une chose impure. du sang dans la cour. Pour sécher mes larmes, j'écoute tout pas chaque coup. Faut avancer, c'est tout. On a tellement d'atouts, c'est fou. Arrêtons de faire les clous. Kicker, représenter, revendiquer. Kicker, représenter, revendiquer. Kicker, représenter, revendiquer. Kicker, représenter, revendiquer. 9-1. 100% rap français. Fix, bravo. La nocturne. Tu te rappelles de nous ou pas? Fix PKR, Ultimatum. Lance mon zap. Ni de France ni d'Amérique, la puissance vient d'Afrique. Aïe. Les âmes sont là-bas et le corps court après le fric. Même quand y'en a pas, à force t'en as marre. Tu le fais, tu le perds, tu parles moins en lingala ou en arabe. Assis sur un banc, le temps s'écoule. Comme chacun sait, la cité c'est la débrouille, l'embrouille. Même quand y'en a pas, si je compte déjà, ça fait deux choses qu'on fait pour rien. Juste pour un pote perdu, qu'est-ce que tu deviens? Un dur, un boss, un tueur, un gage, un bandit. Des médisants, des soi-disant dans le bis depuis qu'ils ont 10 ans. La rue c'est trop hardcore, mais on y voit que des comiques. L'ambition ici c'est d'être de ces nouveaux riches. L'air de ZNO, t'écoutes ou quoi ma gueule? Bien unique. Gros dash des halls. Connu, évite de dire celui-là en unique. Mais le destin place son foyer dans un brasier. D'élite, faciès et morale d'acier. Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Pourquoi tu me cherches? Y'a pas de temps à perdre quand la rue te mord. À mort les porcs en décor sur les murs dehors. Couleur or. Pas politesse envers l'officiel commissaire corrompu. Suite à bavure pour un gros cisterne. Faut nous défendre comme à Sao Paulo. Vu que les flics tuent des innocents et mettent pas les pieds en tôle. Peu le savent, mais la police sauve que dalle. Pendant qu'un aimerait que tu tombes, l'autre tenable. Théma au tribunal, le dernier juge que j'ai vu, il avait plus de vis que les dealers dans ma rue. Dans ma rue. Entre les traîtres et les balances, tu te balances comme sur un fil. Ta carrière peut prendre fin sur un coup de fil. Tu balances. Sans que la santé fleurit à freine. C'est le nouveau western pour les gangsters modernes. Mais que dit-on quand un dealer de drogue dure deal? On ferme les yeux et on le laisse faire son business tranquille. On se plaît trop à faire les choses à l'aise. Donc forcément, Michel, mon refrain sur notre planète, l'illicite ainsi qu'exil. On ensemble depuis ma gueule, on ensemble frérot. Tu nous portes le mauvais oeil, comme ça fait unique et dégage. Hugor, la famille, Lou, 9-5, on ensemble les frères. Ils veulent marquer leur temps comme jamais. Je parle de ce que je vois, ce que je vis. Quand je rappe, je représente ce que l'on oublie. Je sens que le hip-hop, c'est depuis ma naissance. Et tant que mon cœur bat, je resterai reconnaissant. La tête dans ton arrière présenté. Tiens, c'est déjà quelque chose, mais tellement de soucis ici que tu finiras bête chaud. À rester immobile pendant que la terre tourne, comme ta tête ou le hic, ton pote roule. Certains laissent leur barbe pour entrer dans le team, et d'autres team, poche pleine cam, bloqué dans le team. Mais tu te crois où là? Tu crois que c'est comme ça que la vie se déroule? Nickel, bénef, tranquille, t'encaisse, sans cesse c'est cool. Quand tu réussis, on t'arnaque, on t'enfume. On te réserve une place entre le marteau et l'enclume. Alors, fuck, jaloux, la jalousie gratuite. Les gens sont contents seulement quand tu fais pas de bruit. L'album est dans les bacs et la haine est dans l'air gare. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous si t'es en l'air gare. Sincèrement, ça me fait mal comme un enterrement quand je pense à toutes ces choses que je n'ai pas pu faire entièrement. Mais je garde sourire aux lèvres car je n'ai pas changé. Dédicace à mes proches en représentant fièrement Los Monzas, les Ulysses. Aïe. Aïe aïe aïe. C'est la nocturne 100% rap français. Fix au contrôle de la nocturne et avec PKR qui est là aussi. Aïe. Le duo est reformé, ça va? Ça va et toi frangin? Eh ben écoute, bienvenue en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux. Si, ça fait un bail, ça fait plaisir. On évoquait justement cette partie un peu sociale que vous avez depuis des années, hein, depuis le début même, j'ai envie de dire. Toi t'as pris un peu de recul, c'est ça, sur la musique? Ouais, ça fait un moment, moi, ça fait un moment que j'ai pris mes distances, que j'ai décidé de passer un petit peu à autre chose. J'avais la sensation d'avoir fait le tour, en fait, de ce que je voulais dire, ce que je pouvais faire. Et puis voilà, tout un tas de choses dans la vie. On a des cycles, hein, on fait de la musique, on n'en fait plus. On vit, j'ai une famille. Tout simplement, on vit. Je suis bien, je vis, j'ai trois enfants, ça se passe bien. C'est beau. Je vois mon frangin fixe, il vient manger avec sa femme à la maison, il va se marier bientôt. Félicitations, bro. Ah bah, hein. Vous avez caché ça, dis donc. Ah, j'annonce. C'est quand? C'est pour bientôt, le bro. Il n'y a pas de date, c'est bientôt. Et puis voilà quoi, la vie continue et c'est que du bonheur. Là, je remercierai jamais assez les gens qui nous ont soutenus, écoutés, achetés nos CD, fait plaisir. Oui, je disais, allez vous plonger FX et PKR, Ultimatum, c'est important parce que souvent on nous reproche de ne pas faire assez de l'histoire, l'histoire du rap, etc. Mmh. Et vous, c'est vrai que vous avez marqué parce qu'il y a plein de gens aussi qui ont découvert ce fameux film 8 Mile. Eh oui. Mais vous, les périodes clash, on peut dire que voilà, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des clash aussi, malheureusement, ces derniers temps. Ouais. Mais les clash, vous, à l'origine, c'était une compétition. Vous avez monté les tout premiers clash en France. Nous, on a fait des battles, on avait 20 battles. Ouais. Dégaine ton style. Ouais. Avec l'homme que l'on nomme Guyver Hepman, qui va faire DJ ce soir parce qu'il est multifacette. Il va raconter l'histoire en 30 secondes. Qui est là. Il est là. Un petit peu d'histoire pour les plus jeunes qui découvrent aussi. Bonjour Guyver Hepman. Ça va bien? Micro, ça va? Ouais. Bonjour tout le monde. Ben, les gains de ton style. C'était quoi l'idée en fait? Donc vous êtes dans le 9-1 aux Ulysses. Ouais. On prête une salle, c'est ça, non? On était dans une salle, dans un petit club qui s'appelle le Radazik. On était animateur pour les jeunes et puis on animait des répétitions pour des ateliers d'écriture. Et puis à un moment on s'ennuyait et puis on s'est dit viens on fait rapper les gens sur 16 mesures juste pour voir ce qu'ils valent. Et c'est devenu des gains de ton style, c'est devenu un grand battle. Donc c'était de la pure compétition en c'était fait. C'était la coupe du monde du rap. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi j'ai vu les plus gros MC trembler comme des feuilles, tu vois. Ouais. Et les gars comme Gros Dash qui étaient sur deux, tu vois ce que je veux dire. Un gros big up à Gros Dash. Et qui ont failli, tu vois, contre des gars inattendus. Et c'est ça qui était chambé, c'est que n'importe qui pouvait être champion. Et voilà quoi. Donc c'était vraiment chambé, de la grosse compétition. Et pour faire une parenthèse là-dessus, tu vois, on est classé. Les gens aiment bien classer, on se fait classer partout, c'est normal. FX PKR, voilà, c'est le rap du quartier, le rap conscient, ça raconte pas que de la merde. En même temps, voilà, ça essaie de faire avancer la cause, la communauté, c'est hip-hop. Mais à côté de ça, quand on a Dégaine ton style, on est face à tout un tas de styles différents, du rap festif au rap clash, au rap qui va dire que de la merde, si tu veux. Et on kiffe tous les styles de rap, on kiffe le hip-hop. Et on a toujours pris plaisir à voter un battle de deux mecs qui avaient deux styles complètement différents, c'est la force du hip-hop. FX, PKR au micro et puis plein d'autres aussi. Il y aura un live tout à l'heure à pas louper. On repart sur le projet Jeune Vétéran 2.0. Là, on va repartir sur un morceau qui nous tient à cœur. Pour tous les mecs là, qui sont dans les voitures, qui sont dans les parkings et tout ça, pour tous les mecs qui ont un petit team national pour leur quartier, là je vais présenter deux MC, Komi, Mira et le troisième Gloops, c'est le 940D. Et on va faire un morceau ensemble qui s'appelle COU. Et le morceau. Qui veut dire Charbonneur originaire des Ulysses. Et c'est un morceau hommage à toutes les gloires de notre ville. Thierry Henry, Patrice Evra, Bilal El Mosni, l'arrière-gauche de l'équipe nationale de Tunisie, Moussa Marega, l'avancante de Porto, et qui est l'avancante de l'équipe nationale du Mali, et tout plein de frères qui sont originaires de la ville des Ulysses. Le 9-1. 9. Comme 1, quoi, dans les quartiers, 9-4-0. C'est important de mettre en avant aussi les forces et ça pas tout le plaisir. Temps de montrer des images. Exactement. Où ça canarde, où il se passe quoi que ce soit. Et pour la petite histoire, ces petits frères, c'est des petits que j'ai eu en atelier, qu'on aide à écrire et tout ça. Il y a mon frère Missa de Grigny qui va venir aussi, et qui doit être dans le coin. On a monté un projet et notamment Mira, il a fait partie des gagnants. Il est parti l'année dernière enregistrer sur New York City, dans le studio, tu sais, où Tupac s'était fait tirer dessus. Ouais, par, ouais. Voilà, ce fameux studio, Mira, il a enregistré là-bas. Le morceau, j'en suis super fier, il tourne bien dans les quartiers. Je pense que les auditeurs, vous l'écoutez et vous allez adhérer. 940D, yeah. Jeune vétéran 2.0 est dans les bacs, FX au contrôle de la Nocturne 100% rap français. Thierry Henry, Patrice Evra, Anthony Martial, Moussa Marega, Bilal Mosni, Yaya Sanogo. Non, n'oublie personne, pourquoi? Ça vient des Ulysses, les Ulysses, les Ulysses. Oh, les Ulysses. D'où on vient les frères? Dites-leur. Ça vient des Ulysses, les Ulysses. Oh, les Ulysses. K-O-M-Y, Komi. J'ai fait mes classes dans cet asile où pour s'en sortir y'a pas de thérapie. Une bannière que je porte fièrement vue de l'extérieur comme une terroriste. Livrée à nous-mêmes pour ça que certains soirs c'est l'enfer. Ah oui. Que seraient les émeutes dans le 16ème? Brûlerait-il un tas de Ferrari? Moi, plus de 10 piges que je squatte cette cour. Ceux qui m'entourent n'ont pas changé. Je connais par cœur le bas des tours. J'espère bientôt le haut de l'échelle. Et chaque perte du sol de ce check, ça a été foulé par mes hiers. J'ai connu les ambiances pissées, celles où tu crains que la PAC ne vienne te mettre des balayettes. Moi je m'en fous de leur franciper. Perdre mon honneur ne vaut pas le million. S'il faut je ferai ma vie ici. Mon immeuble a plus d'étages que leur pavillon. Et je crois ceux qui nous ferment les portes et nous prennent pour des sortes de bêtes qu'on escorte. Ils nous traitent comme des borgnes, on rêve, on leur sert des débarques. Je suis là, droit, dans les camps. Thierry Henry, Patrice Evra, Anthony Martial, Moussa Marega, Bilal Mosni, Yaya Sanogo, on n'oublie pas tous les autres. Tu sais pourquoi, tu sais d'où on vient? Ça vient des Ulysses. Où ça? J'entends rien les frères là. Les Ulysses. Ok, Afid il est là. Ça vient des Ulysses. R2ENO, Gros d'âge des hauts. Les Ulysses. Ok, Mira. On n'est pas voué à l'échec dans nos halls bâtiments, à caillasser les bleus tapettes. On a des footeurs de renom qui ont marqué l'histoire et fait sourire toute la tête. Y'a des pères de famille pour nourrir leurs fils le matin qui prennent les transports. Mais d'un autre côté, des fils en manque de sous qui font tourner les drugstores. Aussi y'a la grande sœur qui charbonne à ses diplômes. On n'est pas voué à l'échec, à rester bête, entreprenons des vraies choses. Faut qu'on gère nos bails à fond, vite fait, bien fait avant que l'on dette frère. Ma réussite, ma chute, entre les mains de l'éternel. On attaque et on défend, on veut l'oseille mais on le fait quand? J'ai la mentale en béton, c'est ma vie qui en dépend. Je vois toute la zermie, fuck tous mes ennemis. Face aux problèmes qui me foncent dessus, je les affronte man car c'est la vie. Pourquoi la vie? Thierry Henry, Patrice Evra, Anthony Martial, Moussa Marega, Bilal Mosni, Yaya Sanogo, on n'oublie pas tous les autres. Ça vient des Ulysses, les Ulysses, les Ulysses, non. Ça vient des Ulysses. Ça vient des Ulysses. Les Ulysses. Nanou. C'est pour toutes les banlieues. Grande tag. Eziel, Inès. À ma femme, Madame Beniavo, on est ensemble, c'est quoi les bails? PKR mon frère, mon frère Templa, mon frère Gloops, Looms, Kevin. Oh les Ulysses, yeah, ça vient des Ulysses. 9-1 français, planète. Ok. La nocturne. Fixé PK du LOS Monzas. Là, c'est le rap du quartier. Avec le frérot PKR. Jeune vétéran 2.0. Va sur les thunes, tu peux le pécho, frérot. LOS Monzas. Fixé PK du LOS Monzas. Fixé PK. LOS. C'est un abonne. Fixé PK. Ici, les balles se font vite et les balles rebondissent. Voir ce qu'on dit, on n'a pas de seconde vie. C'est fixe et PK du LOS Monzas. Le son pète comme quand tu mets le contact. Malgré les putes et les juges, les ruses et les coups de crasse, on maintient le cap en étant des couches tard. Je voulais te dire qu'on est vraiment pas mauvais. Les gens n'ont pas dové, ils envient le taf qu'on fait. Force de frapper dans la place. Y'a les vrais refrais, vrais de vrai. Zanabot, Imad. Ceux qui suivent l'affaire de près, Bader mon petit frère. On est dangereux, on est dans le jeu, on viole les règles, eux ils se sucent entre eux. C'est pour ceux qui sont ce qu'ils sont, qui font ce qu'il faut, qui font ce qu'il faut. J'ai les fauchos qui chauffent. Matos Tosma. Quel est le siècle? L'âme se bute, il aime trop. Les scènes, c'est la cesse. La cesse et la cesse. Le rap du quartier, les Ulysses, Evry, Grigny, Corbeil. Villieu sur scène. Le rap du quartier. Massy, Long Beach, MZF. Écoute le rap du quartier 9-1. Ok. Toute la France. Le rap du quartier. Saint-Etienne, Le Havre, Marseille, Bordeaux. Vous êtes là ou quoi? Si Gérard m'en fait des coups, c'est que j'ai la tête sur les épaules, poteau. Je viens du ghetto, mais j'en rajoute pas sur les halls. Sur la condition des nôtres ou les transactions de béto. J'aurais pu être fat comme Joe. Car aux Ulysses, ça dit en gros. Que j'ai réalisé que les journaux télévisés aimaient minimiser le peuple colonisé. C'est comme la tease, au début c'est un délire. Mais comme l'État nous dénigre, ça peut justifier nos délits. Dans ma thèse, ce qui te fait m'écrire, c'est les soucis. Ou les bullshit, pas les footings. En gros, la routine. Car là où je vis, déballe pas ta panoplie. Tu te feras tabasser la nuit par un flic ou un gars trop ivre. Les Ulysses, t'as jamais vu autant de bis. Autant dire, en temps de crise, ça se dope pire que j'ose en la fait. Le rap du quartier, sans papier, pour fabriquer la France. Veux charter le rap du quartier. Tous les quartiers de France, c'est le rap du quartier. Réunis, unis, Lyon, toutes les cités de France. Écoute le rap, Strasbourg, ceux qui ont mal, mon frère. Toutes les rues de Kinshasa, Casablanca, du quartier. Le rap du quartier, Alger, Congo, frères au Cameroun, jeunes vétérans, volume 2. Tous nos frères aux Antilles, tous mes frères en Tunisie, tous nos frères partout, Belgique, Suisse, Canada, le rap des quartiers. C'est la nocturne. Fix et donc PKR aussi sur le projet. Toujours ensemble. Toujours ensemble. Normal. Il est là. La preuve, il est là aussi ce soir dans le studio. Yeah. Le morceau qui s'appelle Le Rap du Quartier, c'est ce qu'on écoutait. C'est sur le projet. Hein, c'est vétéran. Sur le projet Jeune Vétéran 2.0 qu'on est en train de faire découvrir aux auditeurs depuis tout à l'heure. Les Ulysse, t'as vu, il y a beaucoup d'MC, il y a beaucoup de rappeurs. Toujours encore... maintenant, toujours ouais. Maintenant, toujours à l'heure d'aujourd'hui. Toujours, toujours. Après, moi j'ai des petites réticences sur certains jeunes. C'est pour ça qu'on a un peu sélectionné ceux qui sont venus. 940D, je pense que le morceau il a plu. Les gens ils ont été réactifs sur le net et tout. Il y a aussi c'est les quoi, petits frères, Force de Frappe. C'est quoi qui te gêne quand tu dis j'ai des réticences Ah frérot, on va pas se mentir Fred. Hein, 90% de ce que t'entends depuis 3-4 ans, c'est de la trappe. C'est ouais. Les gens qui rappent tous avec le même flow. Et en plus qui sont persuadés d'être différents des autres. Non les frères. Tu vois nous on vient d'une école où dégaine ton style, ou Ultimatum, Los Monzas, même nos frères dans tous les quartiers de France dans notre époque, c'était interdit de pomper le flow d'un autre. C'était une interdiction. Malheureusement aujourd'hui voilà les gens. Et peut-être aussi, alors peut-être aussi je me fais l'avocat du diable. Allez, vas-y. On veut pas fixe. Vas-y, peut-être vas-y. Aussi parce qu'à une époque, c'est vrai qu'il y avait des gens, il y avait moins de rappeurs. Maintenant c'est vrai que c'est. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. Il y a une scène, il y a beaucoup de gens qui rappent et peut-être que oui, évidemment, parmi tous ces gens, bah tu vas aller chercher un flow, tu vas aller chercher. Deux, trois punchlines, tu vas t'inspirer. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est quand c'est trop flagrant. On peut s'inspirer, hein. Tu sais, Fix et PKR, on n'a pas inventé le rap. Ultimatum, on n'a pas inventé le rap. Hein. On avait nos influences, Mobb Deep, Nas, NWA, tout ça. Mais ne faire que tout le monde fasse exactement la même chose, c'est dommage. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'art, pour la diffusion de la musique. Par exemple, aujourd'hui, comment tu veux faire un atelier d'écriture? C'est compliqué. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont plus basés sur le flow que sur l'écriture. Mais on a ramené du monde aujourd'hui pour montrer qu'il reste quand même des gens qui ont leur propre style. Ouais, il y aura un freestyle tout à l'heure. Il y aura un freestyle tout à l'heure. Voilà, il y a du monde. Là, il y a le Club Bangers. Mon frère Jimoni qui est dans la place. Gros big up au 26 Hall aussi. Ma Manscape, ma Manschlass. C'est des mecs, si tu vas sur Google, je suis désolé, si tu vas sur YouTube, tu tapes leur nom, tu vois que les flows, ils ont ramené leur propre truc. Mmh. Voilà, donc, voilà. En gros, le message, c'est. Voilà, c'est bien de s'inspirer, mais réfléchissez, écrivez, voilà. Cherchez à écrire en tout cas. En tout cas, le rap français, il se porte très bien, que ce soit dans les ventes ou voilà, en termes d'image. Maintenant, les gars, il faut juste qu'il y ait toujours plus de diversité. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse acheter des scuds qui soient différents les uns des autres. Si tout le monde a le même flow, tout le monde a la même coupe de cheveux et tout, ça devient compliqué. Après, peut-être que nous, on est trop vieux, t'as vu, on est les jeunes vétérans. Tu dis ça parce que t'as plus de cheveux. Exactement. C'est pour ça. Nous ne sommes que des jeunes vétérans. C'est pour ça, Fix. Voilà, voilà. Bon, on part sur un morceau avec Grodash. Voilà, le morceau Trayvon Martin. Gros, gros, gros big up à ma main Grodash de là où il est à Kinshasa. C'est un morceau qu'on dédie à toutes les minorités dans le monde occidental qui se font opprimer. Et malgré le déni des statistiques où on a l'impression que. Même en France, il se passe des choses comme ça, mais on veut pas donner les chiffres et tout, tu sais très bien. Ouais. À tous nos frères, PKR et moi, on a suivi beaucoup d'histoires. Des histoires, malheureusement, comme Hakim Hajimi, des gens qui sont morts, ou d'autres histoires comme Tariq Melki dans notre quartier aux Ulysses, qu'on a encore en vie. Voilà, donc nous, on lâche pas l'affaire. Les bavures policières, on sera toujours là, on va essayer de monter des dossiers, soutenir les familles. Voilà. Trayvon Martin. Yeah. Comme l'impression d'être dévisagé. Y'a bien longtemps qu'on compte plus pour mes tondus que les vies gâchées. Que les vies cachées, ça veut dire les zombies dans des petits sachets. Ferme ta grande gueule pendant que les flics t'achèvent. Le monde est bio, vert dollar écologique. La tête de Wam, je tape 666, on me retweet. Tu meurs hostile en Palestine, on meurt en fil. Des mots horribles à te filer les hémorroïdes. Y'a eu la mort de Mandela, les familles noyées dans des drames, on dit. Ferme ta gueule, tout va bien, sèche là. Ça vend des organes au détail, l'armée de Sodo. Jusqu'aux entrailles, ils disent. Ferme ta gueule, tout va bien, sèche-t'es là. Assassinat, Bounaziade, pour nous c'est pire qu'une fusillade, on dit. Ferme ta gueule, tout va bien, sèche-t'es là. Ils ont calé Lumumba, les casques bleus étaient là, Masta. Ferme ta gueule, tout va bien, sèche-t'es là. This is a trap. Ils veulent décimer mon peuple comme les clés dans d'Afrique. Y'a ceux qui ont juste leur grande gueule, ceux qui crèvent au Mali. Hein? Tu connais ma prérogative, capuche sur la tête, c'est mon côté Trayvon Martin. Trayvon Martin, Trayvon Martin. capuche sur la tête, c'est mon côté Trayvon Martin. Trayvon Martin, Trayvon, Trayvon, Trayvon Martin. Capuche sur la tête, c'est mon côté Trayvon Martin. De silence pour nos morts, je peux pas danser ces morts. Si le DJ est noir, les mains en l'air, on le bute avant son mort. Je voulais faire un empire comme Berry Gordy, mais au pays d'Annie Cordy. Je suis pas grandi, je suis vu comme un bandit. Ferme ta gueule, si j'étais là, sors ton jeune. Si t'es cap, l'impression de me faire test à chaque étape, bouge pas un cap. Je veux réussir là où on m'attend pas. Mes rampas veulent le grand pape, mais des tarbas prépare mon matanga. Je demande un cessez-le-feu, tu fais tes selfies. Mais souviens-toi, y'a qu'un selfie qui pèse pas son puzzle. Sèche tes larmes, mon bout, arrête de faire le clou. Pensez qu'à danser sous tripoter les boules devant téléfoot. Les juges vont goûter le pavé. Injustice aux assiettes, j'ai su mon sang sur le parquet. Mais je te parle pas de basket, ma bouche fait pas faire rien comme un indice pancote. Même quand mon stylo se vide comme la cervelle de Anna, plus que le croc. Ils veulent défiler mon peuple comme les traîneurs d'Afrique. Y'a ceux qui fusent leur grande gueule, ceux qui crèvent au maquis. Hein? Tu connais ma prérogative. Capuche sur la tête, c'est mon côté Trayvon Martin. Trayvon Martin, Trayvon, Trayvon, Trayvon Martin. Capuche sur la tête, c'est mon côté Trayvon Martin. Trayvon Martin, Trayvon, Trayvon, Trayvon Martin. Capuche sur la tête, c'est mon côté Trayvon Martin. Jury find George Zimmerman not guilty. Aux États-Unis, George Zimmerman a été acquitté du meurtre de l'adolescent noir Trayvon Martin. Le verdict est tombé vers 14 ce matin. L'adolescent qui ne portait pas d'armes a été tué par Zimmerman d'une seule balle. Les Américains ont manifesté pour dénoncer un crime raciste. Si j'avais aussi, s'il ressemblerait à Trayvon Martin, avait déclaré le président américain en mars 2012. Rap français 100% explicite lyrics. R2 ENO, New Jack Cities, One Love. Maximum d'oseille, maximum d'oseille. Je m'en bats du succès, maximum d'oseille. Beaucoup de mes frères ne le sont plus. Ce sont juste des morts vivants faisant partie des carnivores. Jamais je rendrai une copie blanche. J'ai tellement de choses à dire sur eux que mon stylo ne s'arrête plus. Alors attendez votre tour, moi j'y laisserai pas des plumes. Si tes acquis sont bâtis sur des mensonges, tu vas tout perdre. T'auras beau être combatif, tu finiras dans un sac poubelle. Tu m'as aidé à me relever, tu l'as pas fait gratuitement. Moi je ne suis pas rancunier, mais ma vengeance sera puissante. L'addition sera salée, rien à foutre de ton patrimoine. Je suis pas un grailleur de pierre, tu vas glisser comme à la patinoire. Y'a des plaies qui cicatrisent et d'autres qui se refermeront pas. Moi je voulais juste faire mon taf. Fraîche, les bons souvenirs papa s'effacent, laissant la place à la haine. Me dis pas que t'es un homme si t'as eu peur de manger la gamelle. C'est comme le terrain de cross, un jour ou l'autre tu tombes. Tu veux jouer les producteurs, un peu comme l'ascu pro du son. Incontrôlable sans nos camisoles. On fume au poids pour oublier nos peines. Au-dessus des lois, je n'ai pas du tort. Le but est de faire le maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Ah, je crois qu'on a fait un pull-up involontaire. C'est pas grave, c'est R2E, son projet, une lueur d'espoir. Toujours dans les bacs. Beaucoup de mes frères ne le sont plus. Ben ce sont juste des morts vivants faisant partie des carnivores. Jamais je rendrai une copie blanche. J'ai tellement de choses à dire sur eux que mon stylo ne s'arrête plus. Alors attendez votre tour, moi j'y laisserai pas des plumes. Si tes acquis sont bâtis sur des mensonges, tu vas tout perdre. T'auras beau être combatif, tu finiras dans un sac poubelle. Tu m'as aidé à me relever, tu l'as pas fait gratuit. Moi je ne suis pas rancunier, mais ma vengeance sera puissante. L'addition sera salée, rien à foutre de ton patrimoine. Je suis pas un grailleur de pierre, tu vas glisser comme à la patinoire. Y'a des plaies qui cicatrisent et d'autres qui se refermeront pas. Moi je voulais juste faire mon taf. Les bons souvenirs s'effacent, laissant la place à la haine. Me dis pas que t'es un homme si t'as eu peur de manger la gamelle. C'est comme le terrain de cross, un jour ou l'autre tu tombes. Tu veux jouer les producteurs, un peu comme l'ascu pro du son. Incontrôlable sans nos camisoles. On fume au poids pour oublier nos peines. Au-dessus des lois, je n'ai pas dit tort. Le but est de faire le maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Que les cris nous paient. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Je m'en bats du succès. Assure, je suis comme ensorcelé. Les pieds, les mains dans la demeure. J'récolte les graines que j'ai semées. Pourvu que ce soit de la PR. Toujours pisté et harcelé. Dans la chute, j'ai le commissaire. Les meilleurs portent les premiers. Ça se trouve au hype, sans le cimetière. J'écris les crimes que je commets. Rafale de rimes dans vos grand-mères. Je reprends le truc qu'on m'a volé. Ma liberté, mes dollars. Je rêve de toucher le sommet. Habiter les cités d'or. Mais j'ai ce montagne au quartier. Telle est ma vie, telle est mon sort. Merde, grave et représailles. Ici c'est la loi du plus fort. Gun, j'ai char et mauvais présage. Même nous dans les favelas, c'est plus hardcore. Mais les grosses bras de pontaille. J'abonne le but jusqu'à la mort. Tous possédés par chétan. Dans un chemin, je veux faire l'effort. Je veux faire l'effort. Incontrôlable, sans nos camisoles. On fume au bois pour oublier nos peines. Au-dessus des lois, je n'ai pas dit tort. Le but est de faire le maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Que le cri nous paie. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Je m'en bats du succès. Seul, contre tous, dans mon monde. Je m'isole, frappe de seum dans les poumons. Sur mon trône, j'en rigole. Je pense à la tôle, je pense à la daronne. Je pense à la mort, je suis dans le rôle. Les charbonnes, l'oseille, je viens de là où tout se monnaie. La haine, la peine me relève. Mon taux de haram s'élève. Je suis toujours à la tête et y'a que la mort qui me s'élève. Je pense aux années perdues enfermées bêtement. Le monde est cruel, Cendrillon se fait violer par les sept nains. Je parle concrètement. La vie m'a appris à faire mon argent salement. Fier illégalement. Pendant que ma mère pleure mon égarement. Je vis à l'écart moi. Je m'en sors rarement. Je repasse au parloir. Je rappe pour les braves qui en bavent. Qui purgent des peines de placard. Incontrôlable sans nos camisoles. Del gars, on fume au poids pour oublier nos peines. Au-dessus des lois, je n'ai pas dit tort. Le but est de faire le maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Que le cri nous paie. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Maximum d'oseille. Je m'en bats du succès. Je m'en bats du succès. Je m'en bats du succès. Net rap, 100% rap français. Là, on va écouter un morceau de l'album du frangin Grodash, Monsieur Chisol vs Grodash, Grodash vs Monsieur Chisol, avec le frangin Templar. Aïe! Templar, on va vous mettre une ambiance un peu jamaïque et sonienne, quoi. Ma plume n'est jamais sèche, vos cœurs sont des citernes. Yeah. Au bout du compte, mon cahier est un cimetière. Ultime. Yeah, yeah. Conseil à mes petits frères, remplacés par des bêtises de manière arbitraire. Je suis pas un nudiste. Yeah. Désolé d'être pudique, parfois je pète un fusil, mais je pleure jamais en public. Brrr. Plus de son boule que de son sourire. On parle plus de nos embrouilles que de nos fous rires. Yeah. On a souffrir, on a jeté les clés, remue l'épée dans les plaies. On s'habitue à souffrir. J'entasse les doutes, le temps passe et fou, j'apprends le langage des sourds. Yeah. T'aimes en silence, l'écrire me donne des hauts cœurs. L'amour est si grand, les mots ne sont pas à la hauteur. Jamais. Maman, il en a hanté des nuits, sans jamais voir le jour, mais c'est écoute. De ma vie. J'avais l'idée, mais j'ai pas trouvé les mots qu'il fallait. Yeah. J'avais les mots, mais j'ai pas trouvé le flow qu'il fallait. Yeah. J'aime, ça sonnait pas, c'est que tu connais. Je revois ma carrière décoller en tournant les pas du cœur. Ça en tournant les pas du cahier. Dieu décollé. En tournant les pas du cahier. Templar. Brrr. Gros Dash. Dash gros, dis quoi? Kinshasa. C'est quoi les DJ, frère? Lemba, on dit quoi? Ouais. Gros Dash. Bibax la bomba. Looms, Gloops. P.O. Beat. Yeah. toutes nos russes. C'était juste ma clique. Je me suis lancé chisel. J'ai des rimes qui parlent à tous les hauts gradés. Hauts gradés. Même mon frère qui clame sa coudée au quartier. Des prototypes pour les savourer au quartier. On se croyait soit d'up d'une bitch en mode ajouté au panier. Raconter ça autour d'une bière à l'épicier. Pas qu'ils oublient que j'ajoute ma pierre à l'édifice. À l'édifice. Qui t'a fait du tort, qui t'a mis le pied à l'étrier. Dis-le. Il faut une heure, tu mets le tiers à l'étrier. Dash gros. J'ai pas trouvé les mots qui fallait. J'ai pas trouvé les mots, mais j'ai pas trouvé le flow qui collait. J'ai jeune. Ça sonnait pas assez ghetto, tu me connais. Je revois ma carrière décoller en tournant les pages du cahier. En tournant les pages du cahier. Je revois ma carrière décoller en tournant les pages du cahier. En tournant les pages du cahier. Je revois ma carrière décoller en tournant les pages du cahier. Combien de textes écrit pour des ex, fini aux oubliettes juste après une prise de tête. Combien de lettres pour les frères au rêve, transformés en 16. Tous nos frères en prison. Yeah. Éclectique. 9 ans les Julis. Quand les MC prennent le tube pour un stand de tir. MC cherche le tube, j'rappe le ventre vide. J'suis un homme de lettres avec le sens des chiffres. J'avais une rime sur Jean-Marie. Un couplet fantastique. Un sur les gens partis. Au paradis ou en Afrique. Tout ça sans coup de main. Tu voulais qu'on demande à qui. Je préfère gratter dans mon coin ou bien sur les bords de la street. Ultime. J'avais l'idée, mais j'ai pas trouvé les mots qu'il fallait. J'avais yeah. les mots, mais j'ai pas trouvé le flow qui collait. J'étais jeune, ça sonnait pas assez ghetto. Tu me connais. Je revois ma carrière décoller en tournant les pages du cahier. En tournant les pages du cahier. Mon frère Roro. Et sa petite fille. One Love Frangin. Roro. Je revois ma carrière décoller. John Steel. DJ Mist. Guyver. Toute l'équipe. Yeah, équipe. Shum Carter. Shum Carter. Yeah. Le King. C'est la nocturne 100% rap français. Monsieur Fix et jeune vétéran 2.0 dans les bacs. Oui. Avec oui. un morceau de Grodash par contre qui figure pas sur ton projet. Parce que Grodash aussi continue à sortir les siens. Toujours, il arrive avec un album tellement sale. Tellement sale. Ouais, pour la fin de l'année. Donc 2016, fin d'année. 2016-2017. Et là, il est actuellement à Kinshasa. Il est en train de préparer ça. Donc gros big up à mon pays d'origine, le Congo. Et gros big up à toute la ville de Kinshasa. Et bien, une dédicace à Kinshasa et tout le Congo. Et même d'ailleurs, j'ai envie de dire l'Afrique. Tu sais qu'on est en deuil, hein. Oui. Papa Wemba, c'est un grand monsieur. Papa Wemba. Grand monsieur. Ça a été quand même une semaine, enfin la semaine et les jours écoulés. T'as eu des gens comme Prince qui sont partis. Billy Paul. Pour ceux qui aiment la musique, c'est forcément des gens qui les ont touchés à un moment ou un autre. Papa Wemba, évidemment. Ouais. Mais qui est mort quelque part sur scène, Papa Wemba, c'est ça aussi. C'est le rêve de beaucoup d'artistes. Ouais, c'est le rêve d'artistes. Malheureusement, il a fait un malaise. Peut-être, on aurait aimé certainement qu'il continue un petit peu, mais. Il nous a quitté d'ailleurs dans un festival qui est beau, hein, c'est le très beau festival. Organisé par Assa Alpho des Magic System. Exactement. Dans son quartier d'ailleurs. Dans en son Côte d'Ivoire. Quartier à Abidjan. Et gros big up à la communauté ivoirienne. Il n'y a pas de clash à avoir entre les Ivoiriens et les Congolais. Non. Ça, c'est des bêtises d'internet. Pourquoi t'as entendu ça? Ouais, bah frère. Ah oui, pour ça. Ouais. Parce que non. C'est Papa Wemba, c'est un Africain avant tout. Et gros big up à la ville d'Abidjan qui l'a reçu. Bien sûr, malheureusement, il nous a quitté. Et puis le festival FEMUA, puisque c'est ce festival. C'est un festival voilà, où il y a Assa Alpho des Magic System qui a recréé un festival pour les gens de son quartier. Qui est un quartier quand même, on peut le dire, défavorisé. Même si en Afrique, je connais quand même très peu de quartiers où favorisé, c'est un peu compliqué. Mais il fait un super beau festival. Il fait un super boulot vraiment avec toutes les équipes du FEMUA. Où d'ailleurs, il va dans les écoles, où il y a des ateliers d'écriture, où il y a plein de choses pour les gamins là-bas en Afrique. Et ils font un super boulot. Et malheureusement, en effet, sur cette scène du FEMUA, Papa Wemba a eu un malaise et il nous a quittés quelques heures après. Paix à son âme. Et pour revenir sur ça, c'est exactement ce que nous, on essaie d'amener les jeunes. Vers quoi on essaie d'amener les jeunes? Vers la conscientisation. C'est-à-dire que même si t'as réussi, n'oublie jamais d'où tu viens. Et le frère de Magic System, on peut ou ne pas aimer sa musique, mais il fait les choses dans son quartier. Et nous, c'est ce qu'on apprécie. Exactement. Dans Fix et Pécaire. On apprécie ça. Et du coup, on voit même plus la musique que t'as fait derrière, parce qu'on se dit que t'as pas oublié d'où tu venais. Donc vas-y, gros respect. Et puis, attends, on peut quand même dire Magic System, même si évidemment il y a des gens qui ne peuvent pas aimer, mais ils font danser des gens dans le monde entier. Dans le monde entier, ils apportent du bonheur, ils apportent du bonheur à tellement de monde que c'est lourd. On ne peut que respecter. C'est ce que Pécaire disait. Faut pas avoir l'image que de Fix. Fix PKR ou Fix Niavo, hyper politisé tout ça. On n'oublie pas nous le rap qu'on a aimé. Exactement. Mais après, comme il t'a dit, comme il va poucave là, il y aura un mariage. Au mariage, on va pas mettre des morceaux tristes. On parlait de la salle et tout ça, des gens. Mais là, je t'ai mis dans la merde. Voilà, frère, il m'a mis dans la merde. On va faire la femme fête. M'envoie un message pour me dire. Ramener les embrasse Choukri, c'est quel bail. Non, mais en tout cas, voilà, il faut pas oublier de célébrer la vie. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on peut y aller pour la session live, messieurs? Alors, pour la session live, ce qui va se passer, je vais présenter les MC parce que moi, je ne vais pas participer. Vas-y, oui, bien sûr. J'ai beaucoup parlé. Mon projet, c'est Jeunes Vétérans 2.0 et ceux qui veulent m'entendre rapper, ils vont là-bas. Mais là, on va appeler les frères de Force de Frappe. On va appeler Templar d'Ultimatum. Yeah. On va appeler ma man Jimoni du Club Bangers. Aye. Ma man Samio le Funky Miosa. Bang, bang. Et s'il y a quelqu'un qui veut rapper, le micro est ouvert. Le micro est ouvert, les frères. Micro ouvert. Voilà, micro ouvert. Ici, y a pas de faux MC. Ici, quand vous voulez, messieurs. Général in the building. Ici, y a pas de faux MC. Ici, y a pas de faux MC. Gaver, envoie ça, frère. Jimoni, on dit quoi? Ok. Attends, il y a un petit souci. Oui, est-ce qu'il peut baisser le master en fait? Est-ce que tu baisses le master, frère? Parce que le master est un peu haut. Le master est un peu haut. Ils sont pas prêts. Est-ce que vous êtes prêts là? Funky Miosa. Yeah! Quartier Général. Quartier Général, le label. Eziel Brown, Eziel Caramel. Matos Tosma. Matos Tosma. Gros big up à Fred pour l'invitation. Si, si, big up Fred. T'as toujours soutenu un rap compliqué à soutenir tellement il est vrai. Fixé PKR, Fix Niavo Ultimatum. Jeune vétéran 2.0. Et dispo la famille. Niavo. iTunes partout. Allez, c'est pécho, dispo. La famille. iTunes. Allez-y. Et Temple. Fnac. Yo, yo. Yeah. Ok. Ok, Guyver. Yeah. Yeah. On voit un truc sale, frère. Ok. Yeah. Combien de fois j'ai dû repartir à zéro? Combien? Buvant la tasse quand il prenait l'apéro. Si les barreaux t'as dans le cerveau, crois-moi c'est un fléau. Si ton goal est manche, faut gagner avant les pénaux. Va dire à Marianne qu'il faut que les portes se débloquent avant que je mette du sky dans mon bol de Kellogg's. Caque la porte de l'école, le square une salle de classe. Que toi le sac de sable, il te faut la gauche de l'Enox. Marre de rater le gauche là, là je vais viser le top. Dis à Mary Bock, on va quitter les starting blocks. On a gratté le sol, ouais maintenant je vais quitter le sol. Mais les balles ricochent quand pleurent les kalachnikov. Et si madame chipote, pas grave, j'irai baiser le monde. Ici y'a pas de sinoche, le gars sonne avec le gong. Pas squatteur d'onde, pourtant hauteur bombe. La route est longue, mais sous le capot le moteur gronde. J'étais aveugle, croyant en la force du nombre. Maintenant je me sens seul quand la pièce est noire de monde. Je pars d'une place au soleil, si moi-même je ne suis que l'ombre. Je pars d'un verre de Moët, si mes potes ne disent qu'une blonde. Beaucoup imitent, très peu sont mes disciples. Mais Ali, je rajoute une brique à l'édifice. Va dire à ce pays qu'on rêve de se barrer d'ici. Les talents sont dans la street et les brigands à l'hémicycle. Je suis 1m93, plus ou moins 100 kilos. Bras aussi longs que mes jambes, je galère souvent pour mes fêtes. Moi je porte du large, du XXXL. Une vision haute, définition des choses en terapixel. Tu sais, je me tente de parler des têtes. Comme horizon, garde en tête mes ambitions. Détecte mes frustrations, les mets de tech, tech, mec. Ça chipote plus, on fait ça tac, tac. Moi aussi je veux mon terre-terre, pendant que ma montre fait tic-tac. Sans cesse, hein, faut rester large entre stress et nos stress. Large dans l'adversité, large dans la détresse. Large quand nos sœurs se tressent avec des cheveux de Pâques, Pâques, Pâques. Noël et j'en passe, sont pas le jour de fête qui m'extasie. Je fais ce toit la capitulation nazie. À la chute des esclavagistes, ou l'indépendance d'une patrie. Fuck les colons et leurs colonies, le capitalisme. Avec. Et je mets le catholicisme dans le même sac. Les dettes de l'Afrique devraient être taxées au pape, tu le sais. Mais est-ce que tes gens le savent? La question c'est, ceux avec qui tu marches sont-ils larges? Fix Niavo, jeune vétéran 2.0, ne l'appelle plus négro. Yeah. Yo, big up à Gagne, à le fond. Le 23 mai, venez aux Ulysses, le 23 mai. Patrice Evra, Anthony Martial, toute la famille sera aux Ulysses. Mais pour venir dans notre ville, je vais vous présenter d'autres MC. Force de Frappe, vous êtes là ou pas? Mais ouais, voilà. Ok. Force. Est-ce que t'es chaud? 9-1 les Ulysses. 9-1 les Ulysses. Mais ouais. Force là. De Frappe, vétéran 0. Ok, ok. Okay. Écoute ça. Oh ouais. Écoute ça. Ok. Ok. Les Avelines. Oui. Les Bergères. Ok. Les Chantraines. les hautes plaines. Là c'est que dans des usus qui viennent tous me cessu. Je les baisse et je les rebaisse jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus. Au programme ma team n'était pas attendu à cause de force de frappe. Beaucoup t'aiment s'ils finissent pendus. Les jaloux sont pas bien, mes skins ils sont tout tendus. Fils de pute, à l'heure on vient remettre les pendules. Si je m'embrouille avec un pote, ça part en tête à 7. Et pour tout le reste, ça part en tête à 7. On kiffe la violence, tard TPZ. Fier comme un DZ. Mon flow réveille toute la cité comme un YZ. Méfiant car l'amitié s'évapore quand on parle d'euros. Et j'oublie pas que les pires ennemis sont souvent des ex-frérots. Ne ragale pas les petits ou bien tu risques d'être quécho. Un jour ils reviendront à 100 et c'est seulement qui vont que t'es chaud. J'ai commis mes premiers larcins, j'avais à peine 8 balais. La première... Oui, oui, gros. MDF, ma gueule. MDF. Et Matt, envoie un truc, frérot. Présenter ma force de frappe et ma cité. Fais pas le tuck, tu vas glisser, on te nique ta mère, sale bras cassé. Sur le rinté, tu peux me trouver, mais viens pas me voir pour t'arranger. On t'a la team, mon amigo, pour consommer, bah faut payer. Loin des putes qui me ralentissent, moi je fais mes jazz pour avancer. Des Ulis, j'ai la notice, pour s'en sortir, faut charbonner. T'as aucune chance d'être acquitté, menotté en GAV. C'est grosse peine pour gros bonnet. Quand on péton, on se relève. Va pas nous test, on est genouné, sur terre toute la journée. Allez, sans pour moral d'acier, ça rêve que de cam et de gros billets. Tu sais déjà, tu me cherches, te trouves, ensuite plus moyen de négocier. Force de frappe, c'est la puissance au JRS. Version TT. Mais ouais. Le ski est beau, ma gueule. Ouais, ouais. Driver Heidman au platine 942. Okay. Après, on va repasser à Smile. Okay, hein. Miracomi. C'est ta haine, c'est ta haine. Ya ya. Ok, ok. ZAN, envoie un truc, frérot. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ULIS, gang, frérot. Ya ya. Envoie un truc. Fix PK. Bang. Ok. Bang. La thèse m'a pris au dépourvu depuis petit peu sa mère. J'enchaîne les blèmes, les gardes à vue, les drogues, les revolvers. Ça piaffe tous les jours, ça saoule jusqu'en galette sa mère. En ville me barrer loin d'une grosse baraque au bord de mer. Toute la naille porte en l'air, grosse barreau dans SLR. En vrai billage, un gros salaire que je laisse aux gosses un pied à terre. Pas de vieux modèles ici, chez nous les crosses c'est au starter. Force de frappe, on te nique ta mère, pour un oui ou pour un mère. Après les mecs, je suis fou allié, face maudite, face de joker. Bord d'instinct, gros cannibale, je mange les man comme Walking Dead. J'ai grandi dans la street, poteau, la rue m'a aidé. ZAN a pris le relais de la concurrence, je vais me démarquer. Bang, bang, bang, bang. Yo, Guyver, mets un bike qui arrive. 240D, Jimon, les Ulysses, gros. Tanner, NGS, ma gueule. Fix, yes. Oui, oui, 940D. Pick up, fix. Vas-y, Commis, envoie un truc. 940D, Commis, Gloops, Mira, Commis, Commis, K-O-M-Y-G-B-R. Sors de profondeur de la thèse. Tellement que le bitume atteste de ma crédibilité. On pose en paix celui qui viendra test. Je représente un peu raqué au canacar. On arrive au fou le feu et au cavacar. On change à n'importe qui tombe à la canaga. Toujours sera le sang frappant dans qui cavalga. Ramenez les MC de vos checks, j'en mange plus d'un. Comme un pirate, je m'accroche à mon butin. Kicker en série en quête de reconnaissance. Qu'on m'apporte mon dieu avant que je m'en butin. Quartier général 9-1 et son issu du sud de la région. Bergère, jungle, garde à vous, c'est le régiment, c'est la légion. Le colonel prépare son coup d'état, on a coup d'éclat, viendra chef d'état. Aujourd'hui t'es installé, demain on te chasse et tu payes les taxes. Fuck à tous mes amis d'antan, rien ne me fait oublier, même pas le temps. Banni à vie au minimum, c'est la sentence, avec les traîtres on ne va pas s'entendre. Je fais gaffe à ne pas perdre le nord, mes proches, c'est ma boussole. Si je réussis c'est pas tout seul, jamais solo même dans les sous-sol. Vaille bout de foie, mamou, sous vodka, je me sens un peu rouscoff. On est économe ou avare, mais même la moindre pièce, chez nous tous coff. 940 soldats, on ne sent plus les coups. Les larmes tombent sur le sol, les larmes coulent sur vos joues. 942. Vous êtes déter, mon coach espère faire des gros sous, c'est ce qu'on essaie de faire. Ils veulent tous niquer le business. Laisse-nous poser qu'on enterre ta mixtape. 940 soldats, on ne sent plus les coups. Le sang tombe sur le sol, les larmes coulent sur vos joues. Les Ulysses la relèvent. Vous êtes déter, mon coach espère faire des gros sous, c'est ce qu'on essaie de faire. Ils veulent tous niquer le business. Laisse-nous poser qu'on enterre ta mixtape. Ok. 942 GG OG 40 district ici Zulu Le Jacques Ridley OG ça toute l'équipe le All et Black là industrie. Yo yo. Ok. Yo yo yo. My man Fred, yeah. Gros big up pour l'invitation. c'était 940D, force de frappe. La suite, ok. Fix Niavo, ok. Ciao. Ciao. On n'a pas les mêmes héros, on n'a pas les mêmes neurones. Des premières clubs c'était Gainsbourg, mes frères en bas de nos 15 tours. On a goûté Kinshasa, là-bas j'ai vu des auréoles. On a écouté Kassav, pas la compagnie créole. On avait la rage en cours parce qu'il ne parlait jamais de nous. Un bâtard de prof m'a dit va faire Zoulou chez Mobutu. J'étais jeune et ambitieux, un gun à la place des yeux. Plus fasciné par les Black Panthers que par le milieu. L'aide sociale avait beau me parler, au fond je me dis beau maillé qu'elle ferme sa gueule, c'est pas Bob Marley. J'écoute du Mob Deep, Kofi ou Kessler. Le King c'est Michael Jackson, pas Elvis Presley. On n'a pas les mêmes héros, je boycotte les Golgoths. C'était des cochons, les cowboys, c'était pas des bonhommes. On n'a pas les mêmes héros, je boycotte les Golgoths. C'était des cochons, les cowboys, c'était pas des bonhommes. Bam. Trop différent, aussi loin que l'on se souvienne. Si t'écoutais The Wu, nous c'était The Wu-Tang. Tu préfères le Marquis de Sade ou les Saxes? Nous c'est du Iceberg Slim ou du Shaft. Tu chiales sur du Céline Dion avec ses salades. Et nous on prend une bouteille de jug avec Sade. Je capte au capitaine Flamme. Okay. C'est le pirate balafré qui vit un putain de drame. Yeah. On s'en fout de Woody Allen. Si tu passes une soirée avec nous, ramène Scorsese ou Spike Lee. Détendu comme Usain Bolt ou Carl Lewis. Vous nous saoulez avec votre Fussbury. Yeah. Venu, je vis, j'ai vaincu, c'est César. C'est ça. Parlez-nous de Gengis Khan, Charlemagne, c'est naze. Vous parlez de Gaulle comme d'un libérateur. Et d'Arafat comme d'un fou, d'un agitateur. Les mecs viennent aux Ulysses, nous prennent en taufe comme des Japonais. Mais une fois sur Paris, ils font semblant de pas trop connaître. Ils venaient pécho de la drogue, même quand c'était pas les seuls. Ils ont pompé l'ultimatum, ils vont sucer Malcolm. Je suis un peu comme Bilal au Glasgow Rangers. Je suis genre black, blanc, beurre, le maillot, plein de sueur. Un message aux grandes gueules, je suis black, cause vengeur. Un ball pour vendeur, une pastose dans le cœur. Tu veux nous faire la guerre, mais tu sais pas comment t'y prendre. Le terrain est glissant comme Taliban, comme Vatican. Le plus civilisé n'est pas toujours celui que tu penses. Ils ont vendu des noirs, j'ai jamais vendu de blanche. Yeah. Yeah. C'est les Ulysses. Yeah. Temple. Yeah. Laisse cet instru. Après, t'es en volume tout. Ah. Je ne vais t'es en volume tout. Tous les vautours volent autour. Temple. Je ne vais t'es en 2.0. Ultime. Aïe. Link code means rewind. The gunshot means forward. Yeah, Guyver. So we rewind. La même. Yeah. Le bail est sérieux. Jeune vétéran. Yeah. 2.0. Merci à tous les gens qui nous boostent depuis la sortie du projet. N'oubliez pas, on est aussi avec Daniel Mermet, un grand journaliste qui est en train de faire un reportage sur moi-même, sur le label Quartier Général. N'oubliez pas Fred qui a toujours été là depuis 24 ans de rap, de ma main PKR. Mangue Games, t'es un frérot, on est ensemble. Gros dash des halls, R2E, Temple, envoie ça. Ok, ok. Ok, tu l'offres avec le cœur, je m'en fous que ça soit du plaqué. Mais je préfère une heure car c'est impossible à acheter. Et si t'es pas d'humeur, t'inquiète pas, la vie m'a gâté. J'ai eu le beurre, l'argent du beurre et la crémière vient de se ressaper. Masta, ma spéciale, massacrer la face B. J'attends plus la passe D depuis le temps que j'ai les bras levés. J'aurais dû graffer vu que j'ai le dos au mur. J'ai juste quelques dents en moins, mais toujours les dés en main. Pas de diamant dans les lobes, pas de damier sur le tricot. Peu d'amis dans les loges, mais si t'en touches un, on te ligote. Pardon maman, mais je mets ma barque, peu de monnaie dans le barca. Pas de monnaie ni nos filles comme elles battent. Ah, ok. Gaïver, c'est ça. Tu l'offres avec le cœur. Fix Niavo. Ok. Yo, écoute ça. Yeah. Funky Miosa. Funky Miosa. Yeah. Et puis on est sur scène ce soir. La nuit s'achève, le jour se lève, le ciel s'éclaircit, la rose est sèche, l'ambiance est fraîche. À chaque respiration, mes narines se dessèchent. En route vers l'arrêt de bus, j'accélère puis je cours. Il est 6h40 et je dois prendre le bus de 47. Je l'ai, je rentre, je monte ma carte, je mélange l'une de mes places préférées sur laquelle je me placarde. Le souffle coupé, normal, trop essoufflé par un sprint matinal sans échauffement. Je ressens mes poumons paumés. J'inspire, expire une série de fois pour éviter mon tempérament posé. Pendant ce temps, le bus s'est mis en marche. Au même moment, je constate qu'il y a toujours les mêmes personnes dedans. Mon casque cosse le débris, l'installe sur ma tête et positionne les écouteurs calmement. Sors mon baladeur, presse le bouton hold, play, pause, puis vérifie l'équaliseur, c'est très important. Je suis matinalement grosse basse, bien mixée. Pendant que le mec d'en face est plus trop gros, niax, bien tassé. Bref, chacun son truc, mais ne me reste plus qu'à brancher. La prise jack est pressée, play dans la lance et de la défait. Son me prend des oreilles au cou, du coup, ma tête bascule comme un coucou manuel. Je suis dans mon cocon, m'amène. Ces jeunes vétérans 2.0, fixe, ni à vous. Yeah, FM. Je sais pas d'où on vient, qui nous sommes. C'est les hommes. Ok. Mira, elle en fait un dernier couplet. Yeah! Et ensuite, on va rendre l'antenne. Mm-hmm. Big up à tous ceux qui ont jeunes vétérans 2.0. Le label, c'est Quartier Général. Shinez. Ok, m'amène. Shinez est dans le building. Eziel est dans le building. Toute l'équipe est là. Hichem, mon refrain, elle est là spécialement. Hafid. Hafid, il est là. Tous les frères qui traînent devant les centres commerciaux des Ulysses, tous les quartiers des Ulysses. Ya ya ya. Vas-y, Mira, envoie un bail. Vas-y, vas-y. Mira, yeah. M-Y-R-A. Ok, envoie un truc, frère. Yo, yo. 42. Moi je suis pas là pour jouer, la plupart perdent en essayant de gémant. Moi je fais tout pour ne pas être une légende vivante. Et je m'accroche à mes rêves, la plupart parlent de nous. Et les gars, moi je vous baisse, je suis en forme même à genoux. M-Y-R-A, les épaules larges comme une falaise. Supporte toutes sortes de pas, il est à malade, je les surmonte à l'aise. J'écris tout ce que je vis, tout ce que je vois, tout ce que je pisse, tout ce que je bois. 100% réel, tu cries, tu repars, tu boites. Ok. Ok, frère. Yo. Big up, ouais. Mira, Komi, ouais, ouais. 940 District, Boobs, toute l'équipe est venue. Merci. Zulis, on est là. En tout cas, Fix. Merci à toi. Merci à toi. Le fond. Bientôt ça arrive, longueur d'onde, reste à l'aise. Jani, c'est quoi les bails? On est là pour soutenir le frère Fix Niavo pour jeunes vétérans 2.0. Ne l'appelle plus Negro. Silex, dans le building. Merci à toi en tout cas pour cette nocturne. Merci Fix. On rappelle que Jeune Vétéran 2.0, on peut le trouver quoi? En digital, en physique? Tu peux le trouver aussi en digital. Il a fait un bon démarrage. Ouais. Et franchement, on est fiers de ça. Je suis fier des gens avec qui je travaille parce que c'était pas évident à la base. Il a fait un bon démarrage, vous voyez, sur iTunes, sur tout ça. Donc nous, on continue la promo. Comme je l'ai dit, on est aussi suivi par un journaliste que tu dois connaître. Ah, Daniel Mermet, trop Daniel fort. Daniel Mermet, trop fort sur là-bas. Très, très fort. Là-bas, si j'y suis, qui fait sur France Inter, ouais. Sur France Inter. Mmh. Maintenant, il a créé son propre site, ouais. là-bas.org. Mmh. Il y a la promo qui continue, on nous invite sur des concerts. Voilà, là je voulais montrer aussi, je voulais faire une dédicace aussi au groupe Excessif, qui est un des premiers groupes qu'on a soutenu, qui nous a soutenu quand ils étaient plus jeunes. Là on a ramené 2-3 générations un peu plus tard. C'est les petits frères, vous allez en entendre parler. 940D, Force de Frappe. Je pense que j'ai oublié des gens, mais encore big up pour l'invitation. Big up à tous ceux qui nous suivent en France et à travers le monde. Vous donnez de la force, on va continuer. Et bravo en tout cas, voilà, de pouvoir associer évidemment la musique et merci. Et ce qui se passe derrière avec surtout la chose principale, surtout en ce moment, de vouloir réunir les gens, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. On s'en fout, on est ensemble et je pense que si vous regardez la photo de la famille ce soir, il y a de tout et c'est avec ça que j'ai grandi, c'est mes frères. Là, bon, t'as des petits frères. Il voilà, y a deux, trois, on va contrôler les papiers vite fait quand même. Oh non, pas besoin, non. En tout cas, voilà, gros big up à tous les gens qui nous soutiennent. Jeune Vétéran 2.0, le projet, il est dans les bacs. Silex. Voilà, le frère PKR, il s'est déplacé pour que ouais, PKR il se déplace. Merci à PKR, c'est bien sûr. Merci à PKR. Ouais. Connor, arrête. C'est la famille, c'est normal. Fix sort son CD, l'album, Inch'Allah, on sera toujours là. Et puis n'hésitez pas à cliquer Jeune Vétéran Volume 2 de Merci 0. À vous en tout cas, merci Fix. Yeah. Et à très bientôt dans une prochaine nocturne ou ailleurs. Ouais, à la rentrée, je pense. On t'attend avec impatience. Merci à toi. Ciao. Ciao. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. La nocturne qui continue avec quelqu'un qui pourrait être aussi dans l'ambiance de Fix. Un garçon qui s'appelle Tiers-Monde. Exact. Yes. C'est la même école un peu. C'est la même école, c'est sorti aujourd'hui le projet. Big up à lui, gros big up pour leur travail le et à leur label. Merci Fix. Merci à toi Geoffrey. Ciao. Écrire de belles chansons n'a jamais rien changé. J'ai foiré le plan A, j'ai négligé le plan B. Peut-être que mes funérailles pourraient vous rassembler. Parfois j'ai tenté, frérot, mais ne tire pas. Ne tire pas, ne tire pas. Je t'en supplie, frérot, ne tire pas. tire pas, ne tire pas. Je t'en supplie frère, ne tire pas. Attends, est-ce que tu peux monter un peu ma voix s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Dites aux autres rappeurs hardcore que ma mort n'est pas pour tout de suite et qu'il suffit pas d'avoir un gamos pour se racheter une conduite. Regarde mon acte d'essai. J'suis Thomas Sankara, sauf que j'fais du peur assez sur le drapeau français. Que j'écris mes phases, réécris l'histoire, donc fuck les keufs, les préfets. Ils nous voient comme des déchets. Leur petit sondage de béquet nous tue, donc fuck les fop et l'INSEE, c'est ok. Je m'appelle Thiers Monde et je parle très mal le Wolof. Encore une contradiction, je suis un homme de paix, mais je passe des heures sur Call of. Je veux détruire mes addictions qui me menottent. On se met dans la merde comme Jax dans Son Off. Qui est des mélodrames, on rame, passe zamzam, imbécile, y'a que ça que shut-up. Shut-up, posé chez les gaco. Je pense au monde qui se barre en vrille, se déteste selon la peau. Puis, je me dis que l'argent nous divise comme prostituée et macro. Je me sens fautif, sans vrai motif, et sa faute de moi ou ma go. La faute de moi et mes ro, gros. Va-t-on toucher le fond, ne fais que tomber. Écrire de belles chansons n'a jamais rien changé. J'ai foiré le plan A, j'ai négligé le plan B. Peut-être que mes funérailles pourraient vous rassembler. Parfois je suis tenté, frérot, mais ne tire pas. Ne tire pas, ne tire pas. Je t'en supplie, frérot, ne tire pas. Ne tire pas, ne tire pas. Je t'en supplie, frérot, ne tire pas. Il y a un truc chelou dans le casque là. Je sais pas ce que c'est. Ok, on essaie, ok. Je n'en fais pas assez, voilà pourquoi je n'ai pas d'excuses. Si Ebola guérit au nord et pourtant toujours pas au sud. Et Dieu créa l'homme et puis l'homme a inventé les frontières. Non pas d'une pour manger, mais se font la guerre, se font la guerre, même si cela coûte cher. Puis je me pose des questions, y a-t-il plus de monde à la surface ou sous terre? Détruit pour reconstruire, j'ai la flemme bilaille, mais je crois que c'est nécessaire. Véridique, je ne jure jamais sur la vie de ma mère. Posé chez les gaco, je pense au monde qui se barre en vrille, se déteste selon la peau. Puis, je me dis que l'argent nous divise comme prostituée et macro. Je me sens fautif, sans vrai motif, et sa faute de moi ou ma go. La faute de moi et mes ro, gros. Va-t-on toucher le fond, ne fait que tomber. Écrire de belles chansons n'a jamais rien changé. J'ai foiré le plan A, j'ai négligé le plan B. Peut-être que mes funérailles pourraient vous rassembler. Parfois j'ai tenté, frérot, mais ne tire pas. Ne tire pas, ne tire pas. Je t'en supplie, frérot, ne tire pas. Ne tire pas, ne tire pas. Je t'en supplie, frérot, ne tire pas. Ne tire pas, ne tire pas. Je t'en supplie, frérot, ne tire pas. Ne tire pas, ne tire pas. Planète rap 100% rap français. Sage poète de la rue de retour. J'en ai assez entendu, maintenant je dis basta. Au bout d'un moment c'est juste énervant. Mec tu me forces à te le dire, t'es la crasse, tu le détergent. Donc s'il vous plaît que quelqu'un ôte de ma vue tous ces castras. Les mecs n'ont aucun courage, rien qu'ils pompent et copient. Quand il ne s'agit que de tracer sa route, creuser sa tête. Si je dois lutter pour ma survie comme le dernier des mammouths, je vais te blesser, t'ouvrir de partout comme des sandalettes. Je suis dans les clashs depuis que je suis môme. Balance des bombes et je sais que dès que tu nais, tu mets un pied dans la tombe. Donc à tout moment je monte mon zèle. Et quand je dis que je suis numéro 1, bidon crois pas que je monte le ciel. On n'a rien sans rien, mon fils c'est l'or. Quand tu manges, donne à manger aux chiens. Du style de mort. Moi le rap est mon job et ma passion. On dit que l'argent parle. J'essaye d'avoir une

Mon pays il s'est plaqué un doigt, mes doigts un doigt tête brûlée. BCB, j'ai vec des BGB, bossage 24 ans TP. En TT, on vient pas au début. Y'a des mères qui pleurent leur fils hier, c'était encore leur bébé. Rien qu'on pense au débit. Mandalab 145 et je réponds au rébut. Je pisse sur l'industrie, ouais, qui l'aurait cru. Plutôt, pourtant je l'avais dit. Moi je vais peut-être mourir du plan. Génération. Trois connards diront que j'étais bon. C'est nos amis. On fait les races, tu sais que le teutré lui connaît les ondes. Dans la jungle, un putain de bleu, c'est le caméléon. Je compte plus les déceptions, les gens que j'ai ados. J'étais type, je voyais le touchy calmer les grands. Y'a des crimes en bas, maman. Tire Kerida, plante en floraison sous les néons. Cocaïne noyée dans le glamour. Meurt à tout petit feu sous les rayons. Du soleil qui brûle le goudron de ma ville. Je mets le plat, rien à foutre du prix du baril. J'attends pas de te pour payer la prime. J'attends de voir naître ma concu. Par contre, nos amis attendent génération, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coupé? Merde. Bon, on va récupérer le son, alors on verra s'il y a encore des jingles génération, mais sinon on va se démerder. Mais là, ça a coupé. Nocturne, qui continue. Qui continue cette fois-ci avec Ous, c'est sorti encore aujourd'hui. Le morceau s'appelle La Zone avec Joule. 100% rap français, je vous repasse SCH, Anarchie avec ou sans génération, on verra. On verra. Il y a des requins dans la zone. Oh, c'est la zone. Y'a des requins dans la zone. Oh, c'est la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Oh, c'est la zone. Tout le monde la veut, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Eh oui ma baby, vas-y danse ma baby. Je n'ai plus d'appétit, d'appétit. Faut que je fasse bouger la petite. Je veux pas lui parler mal, je l'apprécie. J'aimerais la sortir de la tessie. Elle a fait ça, elle a fait ci. Elle se m'emballe, arrive à la baiser. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est beurre. Mais son grand-père comme elle dort. Quand je la vois, je sais plus comment faire. Je n'écoute même plus ses commentaires. Y'a des requins sur le terre-terre. J'ai rien fait, monsieur l'inspecteur. C'est l'inspecteur, faut pas croire qu'ils vont me faire. Y'a des requins dans la zone. Oh, c'est la zone. Y'a des requins dans la zone. Oh, c'est la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Viens voir chez moi, c'est la zone. Ça paye Burberry ou Stone. Tu ranges ton Smith et Wesson. T'es pas un voyou, c'est que tu m'étonnes. Viens voir chez moi, c'est la zone. Ça paye Burberry ou Stone. Tu ranges ton Smith et Wesson. T'es pas un voyou, c'est que tu m'étonnes. Ton, y'a des requins dans la zone. Viens toucher, y'a de la bonne. Y'a des requins dans la zone. Dans ton secteur mon son résonne. Rien n'a changé, je suis toujours dans la zone. Depuis que je fais du rap, elle me trouve trop gangs. Trop gangs. J'ai relancé les petits du texte, le charbon est open. Elle me dit je t'aime, elle m'en sorcelle. Mais la rue a fait de moi un mauvais garçon. Regarde-moi bien, aucune contrefaçon. J'ai vrai, resserre-moi du Jack sans glaçon. Ce putain de buzz m'a rendu parano. Elle me glisse à l'oreille quelques jolis mots. Muet au comico, on dit pas un mot. Petit rappeur, t'as coulé, t'as plus les mots. Y'a des requins dans la zone. Oh, c'est la zone. Y'a des requins dans la zone. Oh, c'est la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Y'a des requins dans la zone. Viens voir chez moi, c'est la zone. Ça paye Burberry ou Stone. Tu ranges ton Smith et Wesson. T'es pas un voyou, c'est que tu m'étonnes. Viens voir chez moi, c'est la zone. Ça paye Burberry ou Stone. Tu ranges ton Smith et Wesson. T'es pas un voyou, c'est que tu m'étonnes. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, c'est que tu m'étonnes. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, c'est que tu m'étonnes. Cette planète rap. La Nocturne. Jarod dans La Nocturne, 100% rap français. Un morceau qui s'appelle Mélomane. Jarod, c'est parti. Coup d'envoi. Les messages avec le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne. Voici le son de Jarod. Viens de moi. fier de moi, mais j'ai perdu toute ma force. J'ai pris des balles, j'avais peur, mais j'ai bombé le torse. Ne joue pas avec ma monnaie, tu me parles en morse. Et je rêve de partir au bled ou voir la Corse. Je vois la merde, je vois les mêmes dans le coma. Je vois l'amour, je vois la haine dans le regard. Scorpion 9000 sur l'estomac. La mort m'aura peut-être avant que je m'égare. Les rapports de force sont constants, ils me prennent la tête. Y'a pas besoin d'être millionnaire, gaffe à payer tes dettes. J'entre avec ma souffrance et je gâche la fête. J'suis pas dans la tendance, moi j'ai grandi avec la scred. Aveugle de naissance, nous on vient du 19. On voit rien à part les procs, les gueux, les gaines et les keufs. J'suis Alma Man, j'big up les mecs de mon coin. Check-moi à la télé au tard, la night sur terrain. Parlez-moi avec les yeux, avec le cœur si possible. J'crois en moi, non j'crois en Dieu, donc j'crois en l'humain aussi. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. J'suis un mélomane dans l'âme, j'mets dans la baguette ma part. Si un pote à mal m'appelle, j'ai des boules avec la patte. J'ai du mal à faire confiance, m'en veux pas pour la distance. Oui j'ai connu la tristesse, beaucoup n'en connaissent pas le sens. Pire que la veille, j'suis mauvais, j'suis le meilleur. J'vois un tambourin pour un battement de cœur. Tu me comprends pas, c'est normal, j'suis un homme, j'veux pas mourir en chantant, j'veux mourir en pleurs. J'suis arrivé mal man, j'ai volé le beurre. J'ai aimé la monnaie plus qu'elle, j'ai brisé le cœur. Tu connais les bails, on voulait pas une femme à nous, on voulait tout, on violait pour un nom en béton dans le secteur. Maman, j'suis bloqué sur la terre. Ils m'ont fait mal, ils m'ont fait peur, ils m'ont fait taire. Pourquoi tu m'arrêtes pas quand j'espère? Dis-le-moi, dis-moi pourquoi tu m'as pas parlé de cette guerre. J'ai mal de te voir en pleurs, maman, je suis désolé, désolé. Ils ont pris une part de mon cœur, je te demande de me pardonner, pardonner. T'étais là quand j'avais peur, je te jure, je suis désolé, désolé. Désolé, désolé. Je suis désolé, j'ai mal. N'y a qu'un sur mon âme. J'suis mort mais j'te parle. J'aime mes romans. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Planète rap 100% rap français. DTF dans la nocturne. Je regarde l'horizon, je suis dans mon nuage. La voix m'accompagne et le bonhomme des visages. Gros, gros, gros. Allô le monde, tout se passe comme prévu. Adieu la misère, j'écris mes textes sur la lune. Tout pour les ronds, les ronds, les ronds. Je marche les couilles pleines, hein, j'ai les poches trouées. Enfant sauvage, hors de la jungle, je suis doué. Azo, qui peut m'amadouer? Tu touches à la mif, t'es dingue, je vais te secouer. Je détaille la plaquette, je vois mon chétan sourire. Igo, c'est la haisse, on vit pas, on survit. Un gros joint, une canette posée sur un banc. Je tire une grosse latte, je m'envole comme Peter Pan. Ouais, ça n'est tour, ouais, ça n'est tour. La nuit, je ne dors plus, je pète un plomb. Que ça jalouse, hein. Les pauvres, ils ne font pas un rond. Igo, j'ai la haine, là, laissez-moi. Le sourire du Joker, le regard du chinois. Oh oui, mani, la nuit est longue, cherche pas Igo demain. J'm'envole dans ma fusée. J'suis dans ma planète, la vie est courte, Igo, j'm'arrête. Ouais, ouais, j'marque une pause, j'veux les billets. Donc j'vends des barrettes, la vie est courte, Igo, j'm'arrête. Ouais, ouais, j'marque une pause dans ma fusée. J'suis dans ma planète, la vie est courte, Igo, j'm'arrête. Ouais, ouais, j'marque une pause, j'veux les billets. Donc j'vends des barrettes, la vie

Excite Lyrics, La Nocturne. Le projet arrive, Jaja et Dinas dans La Nocturne. On n'a pas fini de charbonner. Tu nous connais, nos jupes, tu me veux s'envoler. Cherche la monnaie, on n'a pas fini de charbonner. Je te dis directement, frérot, j'ai rien à perdre. Dans ma tête, c'est la merde. J'ai vécu la misère, c'est ce que m'a dit mon père. Papa et ma, faut vite, je m'arrache de là. Ton fils a la leta, toi tu crois que t'as, il ferait tout pour toi et toi tu ne le sais pas. Pour lui y'a pas de feta, il prend des feux bas, il fait des feux pas devant la queue bas. Faut que je m'arrache dans les îles, que le bonhomme fascine. Je vois qu'elle me fait des signes, pourquoi t'hésites, viens voir ma copine. On finit dans la piscine, et on finit dans la piscine. Ramène la matue, pour aller la tester. Ramène la matue. Et ceux qui parlent trop sont mytho, ouais. Ils pavent qu'on y connaisse. Y'a devant la juge qui finit honnête. Et devant leur pute, ils font les beaux mecs. Les clients savent, les clients savent. La nuit, je viscère même le marchand de ça. Moi, j'ai pas souhaité finir comme ça. Mais là, on finit dans ça. On finit dans le sale, ouais, mais maintenant on finit dans le sale. On finit dans le sale, ouais, mais maintenant on finit dans le sale. Des kilos frappent, meilleur cuissard. La nuit je vis serre, même le marchandard. Moi j'ai pas souhaité finir comme ça. Mais maintenant on finit dans le sale. Des kilos frappent, meilleur cuissard. La nuit je vis serre, même le marchandard. Je voulais faire rentrer un paquet de gens rares, mais ça c'est difficile. Oh, y'a ceux qui parlent, y'a ceux qui suivent, puis y'a ceux qui décident. Elles croient toutes que j'ai ses pères, donc j'ai que des missiles. Fais pas long, ma chérie, rejoins dans la piscine. Dans la tête, ça vend et ça fume la résine. Le shit est à quoi la dégaine de Sissi. Débarque, toi sur l'est, tu t'es débarque. Oh, oh. Je veux pas rester, on va débattre. Moi, c'est la rue qui me fait du temps. Oh, oh. Tu crois que je te mens quand je te parle? Vas-y, dis-moi qu'on sépare. Dans le fond de ma tête, je m'égare. Ma tête est remplie, ça tu le sais pas. Et ouais, on a qu'un seul mot d'ordre, rester solidaire. Si un kiss, t'inquiète pas, moi j'attends qu'on te libère. Tu nous connais, quand tu piques, tu fais sa monnaie. Cherche ta monnaie. Des kilos frappent, meilleur cuissard. La nuit je dis ferme, me marche en tard. Moi j'ai pas souhaité finir comme ça. Mais maintenant, on finit comme ça. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Bon, SCH Anarchy, on a retrouvé le morceau. Dédicace encore à nos amis de génération, hein. Je crois qu'il n'y a plus de jingle malheureusement dessus. Le voici, ça sort la fin mai, SCH. Et après 2-3 sons classiques et on tire le store. Les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée. J'passe sur SKY, j'passe sur OKLM. Ça sent le gris montagne, pute, les grosses fiscalités. J'passe te tuer ce week-end, après j'baiserai ta mère. J'lui chanterai si tu savais comme Jean-Philippe Smet. Cristalline pleine de siroc, les jeunes prennent la coke et visent la teuté. Mon pays s'est plaqué un croix, mets-toi un doigt tête brûlée. BCBG, VEC, TPGP, bossage 24 en TP. Entêté, on revient pas au début. Y'a des mères qui pleurent leur fils hier, c'était encore leur bébé. Rien qu'on pense au débit. Mandalap 145 et je répo rébu. J'pisse sur l'industrie, ouais, qui l'aurait cru. Puto, pourtant je l'avais dit. Moi je vais peut-être mourir du plan. Deux trois connards diront que j'étais bon. Toi t'applaudis, j'ai des hompes et des races. Tu sais que le teutré lui connaît les hons. Dans la jungle, un putain de bleu, c'est le caméléon. J'compte plus les déceptions, les gens que j'ai ados. J'étais cheap, j'voyais le teuchy calmer les grands. Y'a des crimes en bas, maman, tire Guéridin. Plante en floraison sous les néons. Cocaïne noyée dans le bain mal. Meurt à tout petit feu sous les rayons. Du soleil qui brûle le goudron de ma ville. J'mets le plat, rien à foutre du prix du baril. J'attends ta teuté pour payer la prime. J'attends de voir naître ma concu, j'attends ton cul. J'attends que la pute de juge libère Karim. J'crois beaucoup en le chiffre, plus en l'homme, plus en l'homme. Quitte à être détesté, tu veux nous imiter, on a trop d'identité. Ils nous reconnaissent au blind test. J'roule en gros caisson, j'monte le son.

Merci Marie. Bisous. Yeah. Hey, on est une grande Abdel, famille. Abdel. Abdel. Abdel. Abdel. Abdel de Marseille. Vous connaissez pas Abdel, mais il est là. Il y a Ben aussi. Ouais, Ben, le célèbre steward. Ouais. Le mec, c'est quoi le prochain vol, gros? Dans le mur. Ah, dans c'est le mur. Quoi, ça chie, il dit. Vaut mieux pas parce qu'il boit un mojito, donc. C'est quoi le prochain vol, gros? Amsterdam. C'est un coffee shop, gros. Quand? Dimanche à quelle heure? 6h50, si vous partez de Marseille, on part de où? EasyJet. Marseille, mais quelle compagnie? Air France, Marseille, 6h50. Mais attendez, moi je le dimanche, dimanche, Marseille, 6h50, un mec chelou. Demandez-lui, tu sais. Demandez-lui s'il connaît le club des 10 000. Moi je le poucave la semaine prochaine, grâce à Air France. Il peut partir sur la côte ouest, San Francisco, Los Angeles. Ah, il nous a pas tout dit, hein. Eh bah putain, ils sont bien Air France, hein. Et on embrasse Leslie et Marie. Et vous aussi. Faites la grève encore, hein. Putain, bande de salauds. Yabdou était dans la maison, Leslie était dans la maison, Greenleaf était dans la maison. Marjo était dans la maison. Prisquette, elle est où, ma petite Prisquette? Elle est à l'antenne. Elle est avec Dipoliti. Ouais. Le jeune Gage était dans la maison, le jeune Gage. Elle est là. Prisquette. Viens reprendre le contrôle, tu connais les nuits, moi je sais pas faire. Je suis en train de manger, Fred. Tu manges quoi? Tu manges quoi? Hein? Des frites, on est rentré tard du parc, c'est pour ça. Bon appétit. Bravo en tout cas, et rendez-vous pour ceux qui peuvent, dimanche 16h, Porte d'Auteuil, pour aller rendre un dernier hommage à Momo. On y sera, Porte d'Auteuil jusqu'à la tribune, à pied, mais en toute tranquillité, hein. Franchement, voilà, une bonne ambiance. On rendra hommage à Momo qui a su réunir des gens. Voilà. Et on pense à lui, mais comme jamais. Qu'est-ce qu'il y a là? Quoi là? Oh, Prisquette et Marie qui s'embrassent. C'est complètement faux. Bon, il est grand temps de tirer le store alors. On y va, la nocturne, c'est fini. Prochaine nocturne dans une semaine. Et dès lundi, Kalash qui débarque entre 20h et 21h. Merci à vous tous d'avoir veillé tard. Merci à vous tous. Merci à nos amis de Génération qui m'a filé le son de SCH. Voilà, une fois de plus, une grosse dédicace. Mais on est tous ensemble et merci à vous tous. Et d'ailleurs, merci à tous les médias qui ont témoigné beaucoup, beaucoup de soutien à ce qu'on a vécu cette semaine. Donc voilà, merci vraiment à vous tous. On y va? Ouais. Dernier son d'Hippolyti, juste après le Nas et l'Orini, tu récupères. Je sais pas où il est d'Hippolyti, mais j'espère qu'il est au taquet. Hein. Ouais, c'est bon. Et puis une dédicace à mon petit Fabuleux aussi qui était dans le coin. Donc voilà. Fabuleux. Et à mon autre Fabienne qui sera dans le coin aussi dès là. Qui est en tournée dans le sud en ce moment. Sur toute la côte. Et qui va tourner dans le sud surtout. D'Hippolyti. Dipoliti, viens là, toi. Ah, il est là, voilà. Dipolito, il est là. Ça va? Là, je sais pas faire. Je mets un son, tu récupères après. Pas de soucis, Fred. Et y a quoi après? Eh bien, on verra. Il a cassé le micro. Et Fred vient de casser le micro. Le micro. Quand on commence à dire micro à la place de micro, c'est que c'est mort, on y va. Bonne nuit, merci à vous tous. Skyrock Radio Station. Rap and R&B. Non-stop. Skyrock. Rap et R&B.